Landry eut bien peur, et lui frappa dans les mains pour la faire revenir. « Je crois que tu te fais un jeu de moi, Landry. Il y a des choses dont il ne faut pourtant point plaisanter. Je te prie donc de me laisser tranquille et de ne me parler jamais, à moins que tu n'aies quelque chose à me demander. Auquel cas, je serai toujours à ton service. » « Fadette, Fadette, » dit Landry, « ce que vous dites là n'est point bon. C'est vous qui vous êtes joué de moi. Vous me détestez, et pourtant, vous m'avez fait croire autre chose. Moi » dit-elle tout affligée, « qu'est-ce que je vous ai fait donc à croire ? Je vous ai offert et donné une bonne amitié, comme celle que votre Besson a pour vous, et peut-être meilleure, car moi, je n'avais pas de jalousie. Et au lieu de vous traverser dans vos amours, je vous y ai servi. » « C'est la vérité, » dit Landry. « Tu as été bonne comme le bon Dieu, et c'est moi qui ai tort de te faire des reproches. Pardonne-moi, Fanchon, et laisse-moi t'aimer comme je pourrai. Ce ne sera peut-être pas aussi tranquillement que j'aime mon Besson ou ma sœur Nanette, mais je te promets de ne plus chercher à t'embrasser si cela te répugne. » Et, faisant retour sur lui-même, Landry s'imagina qu'en effet, la petite Fadette n'avait pour lui que de l'amitié bien tranquille. Quant à la petite Fadette, elle était assez fine pour connaître enfin que Landry était bel et bien amoureux comme un fou. Et c'est pour le trop grand plaisir qu'elle en avait qu'elle s'était trouvée comme en pamoison pendant un moment. Mais elle craignit de perdre trop vite un bonheur si vite gagné. À cause de cette crainte, elle voulait donner à Landry le temps de souhaiter vivement son amour. Il resta auprès d'elle jusqu'à la nuit, car, encore qu'il n'osa plus lui conter Fleurette, il en était si épris, il prenait tant de plaisir à la voir et à l'écouter parler, qu'il ne pouvait se décider à la quitter un moment. Il joua avec les sauterillos, qui n'étaient jamais loin de sa sœur, et qui vint bientôt les rejoindre. Il se montra bon pour lui, et s'aperçut bientôt que ce pauvre petit, si maltraité par tout le monde, n'était ni sot ni méchant avec qui le traitait bien. Mêmement, au bout d'une heure, il était si bien apprivoisé et si reconnaissant qu'il embrassait les mains du Besson et l'appelait « mon Landry », comme il appelait sa sœur « ma Fanchon ». Et Landry était compassionné et attendri pour lui, trouvant tout le monde et lui-même dans le passé bien coupable envers les deux pauvres enfants de la mère Fadée, lesquels n'avaient besoin, pour être les meilleurs de tous, que d'être un peu aimés comme les autres. Le lendemain et les jours suivants, Landry réussit à voir la petite Fadette tantôt le soir, alors il pouvait causer un peu avec elle, tantôt le jour, en la rencontrant dans la campagne. Et encore, qu'elle ne put s'arrêter longtemps, ne voulant point et ne sachant point manquer à son devoir, il était content de lui avoir dit 4 ou 5 mots de tout son cœur et de l'avoir regardé de tous ses yeux. Mais, comme l'opinion des gens ne tourne pas aussi vite que nos résolutions, il devait encore s'écouler du temps avant qu'on passât pour elle du mépris à l'estime et de l'aversion au bon vouloir.